Mesdames, Messieurs, le disc jockey Serge est de retour. Et des retours. Mesdames, Messieurs, le disque qui est sage et des retours. Et des retours.